Poil de carotte, le programme. Ça vous la coupe, hein ? Dit Poil de carotte, dès qu'Agathe et lui se trouvent seuls dans la cuisine. Ne vous découragez pas, vous en verrez d'autres. Mais où allez-vous avec ces bouteilles ? Pas à la cave, monsieur Poil de carotte. Poil de carotte, pardon, c'est moi qui vais à la cave. Du jour où j'ai pu descendre l'escalier si mauvais que les femmes glissent et risquent de s'y casser le cou, je suis devenu l'homme de confiance. Je distingue le cachet rouge du cachet bleu. Je vends les vieilles feuillettes pour mes petits bénéfices, de même que les peaux de lièvre, et je remets l'argent à maman. Entendons-nous, s'il vous plaît, afin que l'un ne gêne pas l'autre dans son service. Le matin, j'ouvre au chien, et je lui fais manger sa soupe. Le soir, je lui siffle de venir se coucher. Quand il s'attarde par les rues, je l'attends. En outre, maman m'a promis que je fermerai toujours la porte des poules. J'arrache les herbes qu'il faut connaître, dont je secoue la terre sur mon pied pour reboucher leurs trous, et que je distribue aux bêtes. Comme exercice, j'aide mon père à scier du bois. J'achève le gibier qu'il rapporte vivant, et vous le plumez avec sœur Ernestine. Je fends le ventre des poissons. Je les vide et fais péter leurs vessies sous mon talon. Par exemple, c'est vous qui les écaillez et qui tirez les seaux du puits. J'aide à dévider les écheveaux de fil. Je moule le café. Quand Monsieur Lupic quitte ses souliers sales, c'est moi qui les porte dans le corridor. Mais sœur Ernestine ne cède à personne le droit de rapporter les pantoufles qu'elle a brodées elle-même. Je me charge des commissions importantes, des longues trottes, d'aller chez le pharmacien ou le médecin. De votre côté, vous courez le village au menu provisions. Mais vous devrez, 2 ou 3 heures par jour et par tous les temps, laver à la rivière. Ce sera le plus dur de votre travail, ma pauvre fille. Je n'y peux rien. Cependant, je tâcherai quelquefois, si je suis libre, de vous donner un coup de main quand vous étendrez le linge sur la haie. Ah, j'y pense, un conseil. N'étendez jamais votre linge sur les arbres fruitiers. Monsieur Lupic, sans vous adresser d'observation, d'une chiquenaude, le jetterait par terre. Et Madame Lupic, pour une tâche, vous renverrez le laver. Je vous recommande les chaussures. Mettez beaucoup de graisse sur les souliers de chasse et très peu de cirage sur les bottines, ça les brûle. Ne vous acharnez pas après les culottes crottées. Monsieur Lupic affirme que la boue les conserve. Il marche au milieu de la terre labourée sans relever le bas de son pantalon. Je préfère relever le mien quand Monsieur Lupic m'emmène et que je porte le carnier. Poil de carotte, me dit-il. Tu ne deviendras jamais un chasseur sérieux. Et Madame Lupic me dit, gare à tes oreilles si tu te salis. C'est une affaire de goût. En somme, vous ne serez pas trop à plaindre. Pendant mes vacances, nous nous partagerons la besogne et vous en aurez moins. Ma sœur, mon frère et moi rentrer à la pension. Ça revient au même. D'ailleurs, personne ne vous semblera bien méchant. Interrogez nos amis, ils vous joueront tous que ma sœur Ernestine a une douceur angélique. Mon frère Félix a un cœur d'or. Monsieur Lupic, l'esprit droit, le jugement sûr. Et Madame Lupic, un rare talent de cordon bleu. C'est peut-être à moi que vous trouverez les plus difficiles caractères de la famille. Au fond, j'en vaux un autre. Il suffit de savoir me prendre. Du reste, je me raisonne, je me corrige, sans fausse modestie, Je m'améliore et si vous y mettez un peu du vôtre, nous vivrons en bonne intelligence. Non, ne m'appelez plus monsieur, appelez-moi Poil de carotte comme tout le monde. C'est moins long que monsieur le Picfis. Cependant, je vous prie de ne pas me tutoyer à la façon de votre grand-mère Honorine que je détestais, parce qu'elle me froissait toujours.